Ai-je été nourri par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté. J'ai été beaucoup fouetté. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Madame Balandreau m'y met du suif. C'est une bonne vieille fille de 50 ans. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord, elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. Blin, blanc, zon, zon. Voilà le petit chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Mais, un jour que j'avais levé mon pan, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vu. Mon derrière lui a fait pitié. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, à meuter les voisins autour, mais elle a pensé que ce n'était pas le moyen de le sauver, et elle a inventé autre chose. Lorsqu'elle entend ma mère me dire « Jacques, je vais te fouetter !»« Madame Vintra, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous !»« Oh, chère demoiselle, vous êtes trop bonne !» Mademoiselle Balandreau m'emmène, mais, au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi, je crie. Ma mère remercie le soir sa remplaçante. « À votre service !» répond la brave fille en me glissant un bonbon en cachette. Mon premier souvenir date donc d'une fessée. Mon second est plein d'étonnement et de larmes. C'est au coin d'un feu de fagot, sous le manteau d'une vieille cheminée. Ma mère tricote dans un coin. Mon père, un couteau à la main, me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Le chariot va être fini quand mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. « C'est ta faute si ton père s'est fait mal !» Je puis avoir 5 ans et me crois un parricide. Ce n'est pas ma faute pourtant. Est-ce que j'ai forcé mon père à faire ce chariot? C'est que maman aime tant mon père. Voilà pourquoi elle s'est emportée. On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit en grosses lettres qu'il faut obéir à ses pères et mères. Ma mère a bien fait de me battre. La maison que nous habitons est dans une rue sale. La prison est au bout de la rue. Le geôlier, en sa qualité de voisin, est un ami de la maison. Nous sommes camarades, son fils et moi. Il m'emmène quelquefois à la prison, parce que c'est plus gai. À la maison, on ne rit jamais. Nous venons de la campagne. Mon père a voulu être bachelier, et il a fait sa cour à une paysanne qui sera ma mère. Quel souvenir ai-je encore de ma vie de petit enfant? Ma mère apparaît souvent pour me prendre par les oreilles et me caloter. C'est pour mon bien. Aussi, plus elle m'arrache de cheveux, plus elle me donne de taloches, et plus je suis persuadé qu'elle est une bonne mère et que je suis un enfant ingrat. Je suis grand, je vais à l'école. Il y avait une auberge tout près de l'école, et l'on déchargeait souvent du foin. Le foin, où l'on s'enfouissait jusqu'aux yeux, d'où l'on sortait hérissé et suant, avec des brins qui vous étaient restés dans le cou, le dos, les jambes, et vous piquaient comme des épingles. Quand il passe une voiture de foin, j'ôte mon chapeau et je la suis.